Luc chapitre 3. Or, en la 15e année de l'empire de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, et qu'Hérode était tétrarque en Galilée, et son frère Philippe, tétrarque dans la contrée d'Iturée et de Trachonite, et Lysania, tétrarque en Abilène, Anécaïphe étant souverain sacrificateur, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, au désert. Et il vint dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance, pour la rémission des péchés. Comme il est écrit au livre des paroles d'Ésaïe le prophète, disant, « La voix de celui qui crie dans le désert, est, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée, et toute montagne et toute colline sera abaissée, et les choses tortues seront redressées, et les chemins raboteux seront aplanis, et toute chair verra le salut de Dieu. » Il disait donc à la foule de ceux qui venaient pour être baptisés par lui, « Race de vipères, qui vous a averti de fuir la colère à venir? Faites des fruits convenables à la repentance, et ne vous mettez point à dire en vous-même, « Nous avons Abraham pour père, car je vous dis, que Dieu peut faire naître, même de ces pierres, des enfants à Abraham. » Or la cognée est déjà mise à la racine des arbres, tout arbre donc qui ne fait point de bons fruits, semble être coupé et jeté au feu. Alors les troupes l'interrogèrent, disant, « Que ferons-nous donc ? » Et il répondit, et leur dit, « Que celui qui a deux robes, en donne une à celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger, en fasse de même. » Il vint aussi à lui des péagers pour être baptisés, qui lui dirent, « Maître, que ferons-nous ? » Et il leur dit, « N'exigez rien au-delà de ce qui vous est ordonné. » Les gens de guerre l'interrogèrent aussi, disant, « Et nous, que ferons-nous ? » Il leur dit, « N'usez point de concussion, ni de fraude, contre personne, mais contentez-vous de vos gages. » Et comme le peuple était dans l'attente, et raisonnait en soi-même, « Si Jean n'était point le Christ, Jean prit la parole, et dit à tous, « Pour moi, je vous baptise d'eau, mais il en vient un plus puissant que moi, duquel je ne suis pas digne de délier la courroie des souliers, celui-là vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vin dans sa main, et il nettoiera entièrement son aire, et assemblera le froment dans son grenier, mais il brûlera la paille au feu qui ne s'éteint point. » Et en faisant plusieurs autres exhortations, il évangélisait au peuple. Mais Hérode le tétrarque étant repris par lui au sujet d'Hérodia, femme de Philippe, son frère, et à cause de tous les maux qu'il avait faits, ajouta encore à tous les autres, celui de mettre Jean en prison. Or il arriva que, comme tout le peuple était baptisé, Jésus aussi étant baptisé, et priant, le ciel s'ouvrit, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme celle d'une colombe, et il y eut une voix du ciel, qui lui dit, « Tu es mon Fils bien-aimé, j'ai pris en toi mon bon plaisir. » Et Jésus commençait d'avoir environ 30 ans, fils, comme on l'estimait, de Joseph, qui était fils d'Élie, fils de Matha, fils de Lévi, fils de Melchi, fils de Janna, fils de Joseph, fils de Mattathi, fils d'Ammo, fils de Naom, fils d'Esli, fils de Nagé, fils de Maat, fils de Mattathi, fils de Sémé, fils de Joseph, fils de Juda, fils de Johanna, fils de Reza, fils de Zorobabel, fils de Salatiel, fils de Neri, fils de Melchi, fils d'Adi, fils de Cosam, fils d'Almodam, fils de Er, fils de José, fils d'Éliézé, fils de Jorim, fils de Matta, fils de Lévi, fils de Siméon, fils de Juda, fils de Joseph, fils de Jonan, fils d'Éliakim, fils de Méléa, fils de Maïnan, fils de Mattatha, fils de Nathan, fils de David, fils de Jessé, fils d'Obed, fils de Boz, fils de Salmon, fils de Naasson, fils d'Aminadab, fils d'Aram, fils d'Esrom, fils de Pharaï, fils de Juda, fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, fils de Tara, fils de Nacor, fils de Saru, fils de Ragaï, fils de Phalé, fils d'Ébé, fils de Sala, fils de Caïnan, fils d'Arphaxa, fils de Sem, fils de Noé, fils de Lamech, fils de Mathusala, fils d'Enoch, fils de Jared, fils de Mahalaleel, fils de Caïnan, fils d'Éno, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu.